Bonjour, samedi 9 octobre. Le samedi, supposément qu'il y aurait des cycles vibratoires dans une semaine, puis le samedi, ce serait le jour de Saturne, donc il y aurait des gens qui sont un petit peu dépressifs le samedi, puis ça expliquerait pourquoi, pour compenser, il y a des gens qui festoient le samedi. C'est un peu ridicule, mais bon. Ah. Avez-vous remarqué? Dernièrement, notre monsieur Trudeau, là, ils vont passer ça va être officiel. C'est-à-dire que vous devez être inoculé deux fois pour quitter le pays. Même les ressortissants. Est-ce qu'on peut parler de chantage, de séquestration? Je ne sais pas. On va laisser ça à d'autres traiter ça hein, d'une certaine façon. C'est un peu prétentieux de ma part, mais là, je commence à trouver ça un petit peu vulgaire, la politique. Bonsoir. Il y a des gens qui sont dans des fuseaux horaires. Moi, il est 11 h de l'avant-midi. Donc, je vais prendre peut-être 1 heure, à peu près 1 heure. J'essaie de ne pas passer non plus des heures à faire des directs parce que j'avoue que c'est presque par paresse que je fais des directs au lieu de. Je trouve que c'est plus spontané. Puis, 17 h, 16 h. Est-ce qu'il y a d'autres mondes? Vous êtes quatre, je pense. Vous êtes quatre personnes. Bonsoir, 17 h en France. Donc, il y a beaucoup de gens en Europe qui me suivent, mais je ne sais pas. Je pense que les Canadiens français sont un petit, me trouvent un petit peu moins sympathiques. Mais c'est parce que je suis un petit peu. Ici, comment on dit ça? Un air bête au Québec. Les Québécois, eux, il faut qu'on soit joyeux puis de bonne humeur tout le temps. Puis moi, ben, je suis peut-être un petit peu plus. Je partage rapidement. Ah bon. Oui, bonjour. Ben, bonjour à tout le monde. Vous savez, ici au Canada, c'est un petit peu plus restreint que chez vous, l'information. Les médias sont un petit peu plus portés à la censure. Il y a une certaine censure qui passerait moins bien en Europe parce que les gens s'informent un peu plus. Tandis qu'ici, nous sommes particulièrement traités avec mépris par les médias. C'est-à-dire que les médias considèrent qu'ils ont le droit d'omettre des choses ou de mentir par omission, étant donné qu'il n'y aura pas trop de vagues, parce que les Canadiens français, les Québécois sont des gens qui s'informent un peu par eux-mêmes, donc ils s'en permettent, sans rire, moi. Oh, je sais pas. C'est vrai que je suis un air bête un peu. Valkyrie, en plus, c'est presque un jeu de mots comme. Quoi, pas la Valkyrie, là, comme dans les opéras de Wagner, mais ça fait penser au fromage, là. Donc, oui, ben, vous savez, quand il y a eu le premier ministre du Japon qui a démissionné, ici, ils n'en ont pas parlé aux nouvelles au niveau des médias à la télévision. Il y a aussi une ministre en Australie qui a démissionné, une première ministre de ce qu'on pourrait appeler une province australienne, là, pas du pays, puis ils n'en ont pas parlé du tout. Oui, il y a quelqu'un qui a compris le jeu de mots. Ben moi, je ne ris pas assez, je suis juste un air bête. Peut-être pas assez, bon. Je me suis fait faire des remontrances dernièrement parce que j'avais osé suggérer que certaines personnes ont me reproché de proposer aux gens de serrer le cœur de leurs ennemis par télépsychie. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais là, il y a une différence entre vos ennemis et des ennemis de l'humanité, là, à un moment donné. Mais bon. Il y en a, ils sont encore dans la morale, là. C'est assez. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à me demander? Il faut couper le cordon ombilical avec la TV. Ben, si vous êtes centré et que vous avez du discernement, il n'y a pas de problème à regarder la télévision. Vous allez voir l'ampleur de la manipulation de toutes ces techniques-là que moi je voyais dans des livres, c'était des techniques, entre autres, qui s'étaient parlé dans des livres de marketing, entre autres, puis tout. Puis maintenant, c'est rendu les informations nationales emploient des techniques qu'on pourrait dire presque de prosélytisme, au niveau d'un point de vue c'est idéologique. Et ça prend la télévision pour voir l'ampleur de ça. En tout cas, ça aide. Voir l'ampleur de la malhonnêteté de ces gens-là. Peut-on avoir du poids sur le collectif? Ça dépend de. Ça dépend de c'est quoi votre but, qu'est-ce que vous voulez faire, mais oui, c'est toujours Nikola Tesla. Ah, mon avis sur Nikola Tesla. Ben, je pense que c'était quelqu'un de très créatif, de très intelligent, mais que justement qui voyait pas l'ampleur de la manipulation, entre autres par les financiers, malheureusement. Changer le narratif. Ben, le narratif, c'est le fait qu'il est officiel et collectif qui fait que c'est le narratif. On peut pas changer le narratif. C'est quoi? C'est comme ce qu'il disait Don Bernard, il dit, quelqu'un de conscient, il cherche pas à changer, à avoir de l'influence pour changer la société, parce que la société est le résultat des influences. Il y a toujours une majorité qui va être, bon, il y a quelqu'un qui a décidé de jouer dans l'eau. Il y aura toujours une majorité qui va être manipulable et qui vont croire ce qu'on leur dit. Aussi, étant donné que les gens vont toujours être portés à croire des choses qui font leur affaire, c'est plus facile, je pense qu'il y en a un qui disait, c'est plus facile d'avoir les gens, de les avoir au niveau de quelque chose de faux que de les convaincre qu'ils se sont fait avoir. Donc, c'est toujours le premier arrivé, le premier servi, puis ça fait longtemps, Luc. En plus, c'est les gens qui font. On a affaire à des gens qui maintenant tiennent le système d'éducation. C'est eux qui contrôlent le langage. Donc, on fait quoi? Bon, il faut être centré et rester individué. Comment être entre les deux? Alors, celui qui tire les ficelles et ceux qui subissent. Ben, on va toujours subir d'une certaine façon parce que. Ben c'est comme je disais l'affaire, il y en a, ils veulent convertir leurs ennemis puis leur pardonner. C'est comme il y a un ennemi qui vous amène dans le trou, puis eux, en chemin, ils essaient de les convertir. C'est mieux de ne pas être sur le chemin. Moi, je peux bien pardonner à ceux qui pensent ça, mais ils ne m'amèneront pas dans le trou avec eux. Oui, d'être centré. D'une certaine façon, c'est l'être humain est plein de ressources. L'individu est plein de ressources et puis il y a toutes sortes d'imprévus puis de situations qui se passent. Ce qui va survivre, survit toujours. En tout cas, au pire, quand bien même, c'est juste d'enregistrer une expérience qui est différente. Ce n'est pas nécessairement important de toujours survivre à tout prix. De toute façon, on n'a pas le contrôle de tout. Et puis, ça peut être dangereux de vouloir quoi, tout contrôler, d'avoir le contrôle. On n'a pas à convertir le monde. C'est quoi ça? C'est justement l'erreur de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'ennemi. Personnellement, je considère que je n'ai pas d'ennemi. Pas de question, juste le plaisir d'écouter une personne qui résonne avec une part de moi-même. Ben, vous pouvez poser des questions quand même. Moi, personnellement, il y a quelqu'un dernièrement qui m'a écrit qui se posait les mêmes questions que moi, mais moi, je ne me pose pas de questions. J'ai trouvé ça spécial. Je me pose pas vraiment de questions. J'observe puis j'attends. Bon, l'éclairage qui change. J'observe puis j'attends. J'essaie d'être réceptif, si on peut dire, puis j'essaie d'être objectif. J'observe, tout simplement. Mais c'est certain que c'est un petit peu. Ça peut des fois être décourageant. C'est juste d'observer, mais là, c'est de pas tomber dans de l'émotivité. Ne pas devenir trop psychologique. Rester objectif, c'est difficile. C'est probablement ce qui est le plus difficile. Puis de pas non plus, c'est comme, j'en ai pas parlé, mais ça va faire près d'un mois que j'ai cessé de fumer. Puis je dois avouer que je suis de mauvaise humeur souvent. Je suis vraiment, surtout le matin, là. Le matin surtout. Alors, des fois, là. Mais pourtant, c'est étrange, ça. Il y a quelques années, j'avais cessé de fumer un bout de temps. Il y a peut-être, je pense, ça fait 3 ans à peu près. Puis ça m'avait dit, tu vas arrêter de fumer. Puis donc, moi, j'étais persuadé que j'avais arrêté de fumer. Puis finalement, je m'étais remis à fumer. Puis même une autre fois, j'avais arrêté de fumer. Puis ça m'avait dit, là, il faut que tu fumes. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y a des événements s'en venaient dans ma vie personnelle. Puis je trouvais ça ridicule. Puis à un moment donné, après avoir commencé à fumer, j'avais dit intérieurement, j'ai dit, vous m'avez dit que j'allais arrêter de fumer. Puis là, ça m'a répondu, oui, tu vas arrêter. On t'a dit que tu allais arrêter de fumer, mais on t'a pas dit quand. Puis j'ai trouvé ça, moi, des fois, c'est un peu choquant. J'avais trouvé ça choquant. Finalement, il semblerait, j'avais pas pris la décision d'arrêter de fumer dernièrement, là, dans le dernier mois. C'est tout simplement que j'ai plus la vibration de fumer, mais j'ai quand même j'ai quand même tous les côtés négatifs. Je suis de mauvaise humeur. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'il faut réveiller les gens, mais on ne peut pas éveiller les gens des gens. Ils sont dans le coma. Impossible de changer le monde. On peut changer que nous. Ben, il y en a qui ne souffrent pas assez. Ça peut sembler paradoxal de dire ça, mais c'est difficile de convertir à une vision différente quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a inconsciemment, si on peut dire, accepté de croire à quelque chose parce que c'est confortable. C'est un peu comme essayer de. C'est comme bardasser un adolescent qui veut dormir, là. Ça ne tente pas. Mais non, ça ne donne rien. Il va se réveiller par lui-même. Ben, c'est quand ils vont avoir assez souffert. Mais de toute façon, comme je l'ai déjà dit, les expériences de psychologie de masse démontrent que ces techniques-là fonctionnent sur à peu près 75 à 78 % de la population. Ça, je l'avais dit bien avant, juste au début. Puis étrangement, on sait exactement ce pourcentage-là. Donc, c'est dans ces pourcentages-là ce qu'on a. Nous et pas les autres, c'est ça. D'un autre côté, on va toujours subir, si on peut dire, la dictature contextuelle d'une majorité qui est limitée. Mais là, ce n'est pas un appel à dire que quelqu'un qui voit autrement fait partie d'une élite de conscience, puis commencer à penser que les gens qui se rendent pas compte sont inférieurs. Ça n'a rien à voir. Les gens sont surprenants. Des fois, c'est difficile de. Quelque chose que j'ai souvent dit, c'est difficile de savoir qui va. Les gens, ils changent quand ils souffrent, rarement avant. Ben oui, c'est un moteur évolutif, dans le sens que c'est par la souffrance, par l'inconfort, parce que la souffrance, c'est de l'information. Puis, des fois, ça peut être long. Il y en a qui doivent souffrir beaucoup, beaucoup. Surtout s'ils ont habitué par des mécanismes de défense, ils sont habitués à. Comment je pourrais dire ça? Il y a des mécanismes de défense là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir voir on se protège du réel. C'est une protection parce que souvent, ça ne fait pas notre affaire. C'est certain. Donc, bonjour de France. Sommes-nous dans une simulation gérée par intelligence artificielle? Nous, êtres vivants, sommes des. Vous savez, moi, l'histoire de simulation artificielle, à mes yeux, ça fait partie de la manipulation. Parce qu'il y a des forces qui disputent le plan matériel, qui veulent garder le contrôle dessus. Pour moi, le plan matériel, c'est pas une sorte de matrice artificielle comme une prison. Au contraire, c'est un territoire qu'il soit colonisé par l'esprit. Donc, l'idée que c'est une simulation, puis j'ai un peu de misère avec ça. Plus on est spirituel, plus on souffre. Plus on est psychologique, je dirais. Pas besoin d'être spirituel. Parce que je connais beaucoup de. Vous savez, là, des positivistes, puis là, je parle pas de pensée positive, je parle au niveau le positivisme, comme ça a été la définition de la fin du 19e siècle, là, au niveau de ceux qui croient beaucoup en une science objective et tout. Ils souffrent beaucoup, ces gens-là. Les croyants toujours éprouvés, ben oui, ça fait partie d'une programmation à mes yeux. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a la foi, mais pas au sens de la vraie foi, c'est-à-dire une grâce, puis ceux autres, ils peuvent passer à travers n'importe quoi, mais quelqu'un qui a la foi au sens d'une croyance va toujours être testé dans sa croyance. C'est-à-dire, il va être mis à l'épreuve. Eux, ils appellent ça être mis à l'épreuve. Ben oui. C'est sûr parce que. Une planète expérimentale, c'est un plan évolutif. Donc, c'est dommage, mais bon, il va toujours y avoir justement des intelligences dans l'invisible qui vont chercher à tester. Puis, l'être humain est dans l'expérimental. Il expérimente à la place d'êtres qui n'ont pas eu les couilles de s'incarner puis de descendre dans la matière. C'est quelque chose de terrible de descendre dans la matière. Jusqu'à un certain point, il faut être. Il y a des êtres prétentieux qui ont pensé qu'ils pouvaient descendre dans la matière et faire leur preuve. Donc, ils sont mis à l'épreuve une fois qu'ils sont dedans. C'est quoi les petites souris puis le feu? C'est pas la même personne, mais oui, jusqu'à un certain point, on est des petites souris. Parfois, il y a des savants, semble-t-il, dans l'univers qui sont tellement prétentieux qu'ils ont voulu être des souris avec la prétention qu'ils seraient des souris extraordinaires. Mais une fois qu'on. Ben oui, ben c'est une planète expérimentale. C'est dans le sens que c'est pas juste au niveau de l'expérimental d'expérimenter la vie, puis. Ben, vous savez, il y a beaucoup de fourmis dans l'invisible. Il y a quelqu'un qui dit, je dirais, fourmis. Il y a beaucoup de fourmis. L'être humain, juste d'avoir eu la force de se densifier dans le plan matériel, c'est déjà beaucoup. Et puis, la vie, comme on l'entend, la vie sur Terre serait liée à l'enregistrement de l'expérimentation planétaire. Et puis, pour tout ça, c'est pour servir sur les plans par après. Ça a été beaucoup spiritualisé, ça a été psychologisé, au sens où il y a des gens qui ont dit naïvement qu'on doit gagner notre ciel, mais je vois ça comme plus complexe que ça. Mais ce que je dis là, c'est pas couler dans le béton, dans le sens que moi-même, je crois pas ce que je dis. Une chose est sûre, je peux pas croire aux anciennes formes. Que ferait Bernard de Montréal s'il voyait ce chaos mondial, s'il était parmi nous? Ben, Bernard, des fois, il y avait de la subjectivité chez lui. Il pensait réellement que les attentats du 11 septembre avaient été créés par des terroristes. Bernard, des fois, il avait sa personnalité, il avait sa psychologie à lui. J'ai une info qui dit qu'il prépare une armée galactique, du coup, vu d'en haut, on fait vraiment fourmi. Oui, mais c'est une question de distance, ça. Parce qu'une fourmi, moi, si je me rapproche d'une fourmi très près, elle va rester une fourmi. Tandis que David a vu une vidéo avec Marc de la Salle. Oui, périodiquement, David met en ligne du matériel qu'il a, qui était payant avant le décès de Marc, puis maintenant il le rend disponible gratuitement pour le public. C'est ce qu'on appelle les plans ou les annales akashiques. Les annales akashiques, ce seraient des archives mémorielles d'informations. Puis, il est considéré habituellement, en tout cas dans le milieu du supramental, que les annales akashiques se font partie de l'astral, c'est-à-dire de l'expérimental planétaire, entre autres, ou de ce qui est capté par des gens incarnés qui s'enregistreraient dans l'astral. Donc, c'est des archives, oui, mais il semblerait que la mémoire de l'humanité se modifie, donc ça ne serait pas lié à l'enregistrement nécessairement de choses factuelles. Puis il y a des choses avec lesquelles même les gens très très sensibles n'arrivent plus à se brancher ou n'arrivent plus à. Est-ce que l'expérience enregistrée ici nous sert individuellement sur les plans ou sert-elle à autre chose, à un niveau non individuel? L'expérimental planétaire qui est enregistré dans l'astral sert par rapport, semble-t-il, à des incarnations successives sur la planète, c'est-à-dire que cet expérimental-là remonte dans le subtil puis redescend, puis c'est comme ça qu'il y aurait une évolution des âmes sur Terre. Par contre, à un autre niveau, niveau systémique, ça servirait à créer des formes de vie plus évoluées, entre autres sur d'autres plans, puis peut-être sur d'autres planètes, mais là, on tombe dans des choses assez pointu, là, des choses que je trouve un peu. Ça fait un peu bizarre de parler de ça. Je suis encore socialisé un peu, des fois je me trouve capoté. Est-ce que l'expérience, oui, sert-elle à autre chose à un niveau non individuel? Ça sert tout le temps, d'une certaine façon, à un niveau non individuel pour engendrer de l'individuel plus avancé par la suite. Mais il y a toujours moyen de s'en servir individuellement, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une conscience très, très centrique va être capable d'intégrer par son expérience. Donc, par lui-même, il va évoluer de son vivant dans la même vie, c'est-à-dire que ben, l'expérience, c'est l'expérience, on ne refait pas la même erreur 1000 fois, où on voit de plus en plus clair. Si vous marchez pieds nus sur un tesson de bouteille, sur le reste du chemin, vous faites plus attention. Qu'est-ce que vous pensez du remote viewing? Ça, c'est très intéressant. Surtout, par rapport, je trouve, à des choses qui circulent dans le public que je considère comme de la désinformation de la guerre froide, là, si on peut dire. Même si j'ai jamais pensé, j'ai jamais cru à la polarité avec le bloc de l'Est, mais oui, je pense qu'il est possible de toute façon, quand un génie fait une vraie découverte scientifique, ça vient jamais de lui. À mes yeux, en tout cas. Question qui n'a presque rien à voir. Est-ce que voter en politique sert à quelque chose? Ben oui, ça sert à faire à croire à ça. C'est quoi? Je pense que c'est Moreau qui dit si voter pouvait changer quelque chose, ce serait interdit. Il oublie de dire par contre que c'est Coluche qui avait dit ça. Mais ça arrive souvent que Moreau s'attribue des citations d'autres, on dirait. Mais peut-être aussi que Coluche lui-même l'avait pris à quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait volé ça à Moreau. Hein? Peut-être. Ben oui, Coluche. Monsieur Colucci. Mais c'en est un qui a essayé de changer la politique et je pense qu'il en a payé de sa vie. Donc, à un moment donné, l'humour, c'est très sérieux. C'est très sérieux, l'humour. Puis, en tout cas, ben, ça serait surprenant que. Ah, ben, je vois un feu avec un œil. Par rapport à l'intégration, c'est une autre forme d'expérimental. Même des fois, il serait possible d'intégrer sans expérimenter. Là, on aura affaire à des gens très, très avancés. J'ai raté les 12 premières minutes. Pourquoi ne pas annoncer quand vous allez faire un live? Parce que je ne le sais jamais moi-même. Je ne le sais jamais moi-même. Moi, je ne prends pas de décision. C'est une vibration qui fait que, bon, là, je fais un live. Puis ça donne que là, je suis tout seul, puis il n'y aura pas de visite, puis c'est samedi, puis je peux au moins prendre une heure. Donc, je ne le sais jamais, moi, comment changer la société. Alors, la société, elle change par elle-même selon des processus excessivement lents. Il y a des individus exceptionnels qui vont apporter des changements, mais souvent, c'est parce qu'ils ont été, ça fait partie de leur programmation, ce qu'on peut appeler leur destin. Ce monde est une pièce de théâtre. Soit on joue la pièce, soit on sort du jeu, on observe. Oui, mais le problème, c'est qu'on la subit quand même. Je veux dire, si c'est comme moi, personnellement, là, je peux pas faire mon épicerie comme je veux. Il n'y a pas quelque chose que je subis la pièce, même si je l'observe, j'essaie de. Il faut pas dire trop de vérité à la télé. Il y a trop de monde qui regarde la télé, Coluche, moi. En s'en changeant soi-même. Oui, mais pour ça, il faut être capable de sortir de soi-même. Se voir, ce qui est extrêmement difficile. C'est probablement des choses, il faut qu'il y ait une dépersonnalisation de temps en temps, puis c'est extrêmement difficile, ou bien un choc, c'est des chocs souvent de vie. Donc, comment intégrer sans expérimenter? Intégrer sans expérimenter, souvent, c'est parce que justement, comment je pourrais dire ça? La vue va être extrêmement affinée. La personne devient de plus en plus sensible, souvent parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. Et elle va voir jusqu'à un certain point, elle va voir, c'est un peu comme si tout le monde marchait à l'aveugle, mais la personne, elle va devenir tellement sensible qu'elle va voir les trous juste avant de se mettre le pied dedans. Tout d'un coup, elle va, c'est un peu comme j'expliquais avec les caribous, là. Ça prend, c'est long, ça veut dire qu'il y a un contact. Il peut y avoir aussi des contacts avec de l'expérience qui est enregistrée, justement. Donc, à ce moment-là, ben, c'est par sensibilité, la sensibilité, ce qui ne veut pas dire nécessairement de l'émotivité, ça n'a rien à voir. L'émotivité brouille la vue. Puis la vue, c'est une sensibilité. Souvent, je trouve, des fois, je suis en colère contre la pop psycho qui ont beaucoup mêlé émotivité et sensibilité, alors qu'à mes yeux, cela n'a rien à voir. Les gens extrêmement émotifs vont être peu objectifs. Quelqu'un qui est très objectif, c'est une sensibilité. Une perception aiguë sur du long terme, en quelque sorte, oui. Puis aussi, la capacité à avoir la pollution. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque les gens sont enfants, ils sont très, très sensibles, il y a des choses qu'ils savent par eux-mêmes. Et c'est au niveau de l'éducation qu'ils vont perdre ces facultés-là. C'est ce qu'on pourrait appeler de la pollution environnementale psychologique. Donc, les archanges, c'est Qui est ce monde-là? Quel est leur rôle en lien avec nous? Là, on entre dans des sujets que je trouve un petit peu trop. Les archanges, ce serait justement des gardiens, dans le sens que nous sommes sous surveillance. Oui, mais ce serait des entités plus hautes que l'astral, les archanges. Parce que l'astral, c'est quand même, mais même là, ce qu'on perçoit souvent là, comme tout le spirituel, puis il y a une déformation. À mes yeux, il y a une déformation. Mais l'astral de bas en haut serait satanique. Parce que une forme de domination, c'est toujours une forme de domination. Tandis que les plans archangéliques, ce serait carrément lié à une surveillance là, pour qu'il y ait au-dessus de ça là, par rapport au planétaire. Mais là, on entre dans des choses. Oui, c'est spirituel. Quelle est ma perception des mages noirs? Ben, à mes yeux, c'est de la possession. C'est-à-dire qu'il y a de certaines forces pour se manifester dans le plan matériel qui ont besoin de support. Ces gens-là sont des supports pour ces forces-là, donc c'est de la possession. Les médiums sont-ils astralisés? Oui, ben oui. Parce que le médium, ça le dit, c'est un médium. C'est pas comme de la voyance. La vibration est pas pareille entre la médiumnité puis la voyance. Puis même là, la plupart des voyants, les gens qui se disent voyants sont des médiums, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des entités. Si vous travaillez avec des entités, c'est de la médiumnité. Vous êtes un médium. Vous faites de la médiation entre l'invisible et le plan des vivants. Oui, tout est fait, c'est tout anti-homme. Ben oui. Ah, vous sortir de l'astral possible d'ici? Je sais pas, moi j'ai bien de la misère. De rapport à des fois que je sens des contacts avec des entités qui sont pas astrales. Que là, on a affaire à des affaires extrêmement froides. Puis que ça sent c'est comme pas humain, c'est d'une grande froideur. Mais l'astral, c'est tout le temps chaud, même ben là, une chaleur au sens qu'on sent une mémoire humaine. Quelle est la différence entre la possession et la fusion? Ben là, il y a toute une différence. La fusion, c'est par rapport l'âme fusionne avec l'esprit. Puis il y a un lien direct qui va se manifester à travers un ego. Tandis que la possession, c'est des choses. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit, mais avec la mémoire. Donc, fusionner avec la mémoire, c'est de la possession, là. Total, même. On pourrait parler du chevauchement. C'est la différence entre le chevauchement et être habité. Ils sont canalisés. Oui. Fait chier, bloqué ici pour le moment. Ben oui. C'est certain, mais jusqu'à un certain point, il y a étant donné que l'ego, c'est une petite partie de l'être, il y a quand même une partie qui a consenti à ça. Puis, c'est pour des choses qui transcendent l'individu que, voyons, j'ai une voisine, je sais pas ce qu'elle. Je pensais que son chum était parti, elle doit être au téléphone. Moi, la fusion. La fusion, c'est qu'il n'y a plus besoin de mémoire. Il y a un savoir. Donc, il n'y a plus de connaissance. Il n'y a plus besoin de connexion avec l'éther. Oui, bien, l'éther relie. L'éther relie les plans. Mais c'est les morts, la possession. La fusion, c'est l'énergie lumière qui dit l'esprit, oui. Mais la possession, ça n'a pas besoin d'être des morts. C'est juste de la mémoire ou des forces qui sont liées à du planétaire. Parce qu'il existe des forces qui sont issues du plan matériel puis du planétaire, et ces forces-là sont territoriales et dominatrices particulièrement. Donc, l'être humain est en partie manipulé aussi par des forces issues du plan matériel, du plan planétaire, des forces qui viennent de la matière et qui sont dominatrices et territoriales. Je vois pas comment dire ça autrement. Alors, j'ai pensé au niveau des réseaux. Hein. Merci. La troisième dimension et la cinquième dimension sont-ils un piège de l'astral New Age, comme quoi la Terre ascensionne vers la cinquième dimension? En fait, toute dimensionnalité serait une projection liée à. C'est lié à ce qui est dense. Parce que dans l'esprit, il n'y a qu'une dimension. Le monde, ils veulent aller vers des mondes à 98 dimensions. C'est ça qui a engendré le fait que la lumière se diffuse dans les ténèbres, si je puis dire. Ça crée une dimensionnalité. Ça crée des espaces-temps, ça crée des niveaux fréquentiels différents. Mais à la source, il n'y a qu'une dimension. Donc, y a-t-il possible de neutraliser les égrégores familiaux qui se transmettent entre parents et enfants? Possiblement, mais l'affaire, c'est que souvent, on va trouver à des problèmes psychologiques et mémoriels, des solutions psychologiques et mémorielles, puis il faudrait à un moment donné aboutir à plus efficace que ça. C'est difficile de parler des annales akashiques puisque c'est de l'astral en étant en fusion, c'est-à-dire en lien avec le cosmos. Ben, il y en a qui en ont parlé des annales akashiques, puis qui étaient des gens qui avaient commencé un début de fusion, et puis ils en parlaient pour ce que c'était. Puis c'est correct. Puis quand Bernard il parlait des archives cosmiques, il disait les archives cosmiques, puis tout d'un coup il se reprenait, puis là il disait pas les archives akashiques de l'astral, là. Parce que c'est pas la même chose. Le systémique, c'est une forme d'archive. Mais c'est complètement. Quelque part, le savoir, c'est des archives qui n'ont pas besoin de se souvenir d'elles-mêmes, qui n'ont pas besoin d'être archivées. C'est agissant. Marie-Jeanne, cela doit être possible de rester sans voir, faire ping-pong, non? On doit pouvoir y arriver. Ben, c'est ce que les bouddhistes semble penser qu'il y a moyen de cesser cette montée-là, cette redescente-là. Mais il reste que souvent ces spiritualités-là aboutissent à une dissolution de l'ego dans le cosmique. Or, ça aurait pas de sens. C'est anti-évolutif. En tout cas, bonsoir de la Réunion. Bonsoir. Je connais quelqu'un d'autre, un correspondant de la Réunion. L'astral nous attend au bout du tunnel lumineux avec Jésus ou nos grands-parents. Ben, c'est le côté marketing de l'astral. Ça va prendre un noyau terriblement fort pour pas. Vous savez, les gens qui sont mourants, puis ils commencent déjà là, à voir se densifier autour d'eux des gens décédés, c'est parce qu'il y a une récupération. Le problème, prenez par exemple les gens qui tout d'un coup voient le Christ. Ce qu'ils voient, c'est une mémoire. Une mémoire collective de la mémoire, une mémoire spirituelle. Puis, c'est fait partie des pièges de l'astral. Vous savez, sans dématérialisation, ben, c'est qu'il va y avoir d'autres corps de fait. D'autres corps que pas besoin de. La matière, c'est juste un niveau de densité. Il y a d'autres, il y a de la il y a entre le totalement subtil puis la matière, il y a d'autres, il y a des intermédiaires. C'est comme prenez par exemple l'image de Jésus. C'est une image qui est extrêmement utilisée par l'astral. Vous pouvez le voir par exemple par des schizophrènes en délire qui vont commettre jusqu'à aller à tomber dans des états oniriques où ils sont à moitié endormis. C'est comme s'ils rêvaient éveillés, ce qu'on appelle des psychoses, puis ils vont aller jusqu'à commettre des meurtres parce que le Christ leur a dit d'en commettre. Il y en a, ils vont dire, ah, c'est des démons qui utilisent l'image du Christ. Oui, mais c'est clairement une mémoire. C'est clairement une mémoire qui est utilisée, puis aussi une force émotive qui est utilisée, une charge émotive qui est utilisée. Parce que le vrai Christ ne peut pas être utilisé par des forces basses. Ce serait impossible. Si tout est systémique et tout, à tout niveau, la liberté n'est-elle pas un leurre? Oui, moi, mes yeux, souvent, j'ai eu des conflits avec d'autres gens dans ce milieu-là. Moi, mes yeux, la liberté. C'est quelque chose qui est justement. Le fait qu'il n'y a pas de liberté fait partie de ce concept-là de liberté. Puis même, il y en a, ils vont dire ben, qu'ils ne veulent rien savoir du systémique parce qu'eux autres aussi ne veulent pas qu'on soit libre. Mais vous, est-ce que vous donneriez les clés de votre voiture à un enfant de 4 ans qui dit ah, oh, c'est pas juste, je vais aller me promener? Jusqu'à un certain point, nous sommes protégés de nous-mêmes, semble-t-il. Quelle est la réelle identité qui se promène d'un corps à l'autre? Ça, c'est une question intéressante. C'est clairement pas l'ego psychologique. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'avoir des sorties, puis c'est clairement pas mon ego psychologique parce que quand j'étais de retour, j'étais terrorisé. J'avais peur de l'expérience que je venais de vivre. Pourtant, pendant que je la vivais, je n'avais aucune peur. C'est quand même superbement bien fait, tout ça, bien mené, pour que l'homme en arrive à épouser sa grandeur originelle. Oui, tout en restant même encore un homme, puis même plus grand. C'est-à-dire qu'il y a si c'était pour se dissoudre dedans, tout l'expérimental, tous les plans, tout ça serait inutile. Puis pourtant, c'est pas le cas. Il y en a plein des comme ça à la Grande Bâtisse. Oui, ça rappelle ce que Bernard disait. Ben oui, puis surtout ces temps-ci, il va falloir agrandir la Grande Bâtisse, je pense. De toute façon, on est une Grande Bâtisse à ciel ouvert de plus en plus. En fait, on est prisonnier à perpétuité, sans remise de peine dans ce monde. À part, on n'y revient. Ben, moi, à un moment donné, ça m'avait dit, la souffrance de l'homme est probatoire. Puis j'avais trouvé. Moi, je pensais que probatoire, c'était lié au domaine carcéral, justement. Puis je connaissais pas le vrai sens du terme probatoire, donc je suis allé voir la définition. J'ai fait une recherche pour voir la définition de probatoire. Ça dit que c'est pour. Puis ce qui est probatoire, c'est pour voir le niveau d'un candidat. Puis j'avais été tellement surpris que ça m'ait dit ça, que la souffrance de l'homme est probatoire. Il semblerait que ça soit autorégulé, dans le sens que dans l'expérimental, il y a une vérification constante des capacités au niveau évolutif, des capacités des individus, et que ça soit quelque chose de quasi automatique tout le temps. Le libre arbitre n'existe pas, oui, en effet. Moi, je ne crois plus au libre-arbitre. Même, j'avais cessé d'y croire en m'intéressant il y a longtemps à des expériences de psychologie, notamment le béhaviorisme, où il est clairement démontré que l'être humain est dans l'illusion d'un libre-arbitre. Et c'est pour ça qu'il n'y aurait pas eu d'évolution possible sans des interventions qui viennent d'en dehors, de l'ego, d'intelligence, là, de l'intelligence qui n'est pas égoïque. L'homme, il n'est pas libre, c'est une illusion, son rêve d'être libre. Ben oui, mais c'est un peu comme la carotte puis le bâton sur le concept de liberté. La liberté au niveau de l'esprit, c'est peut-être la possibilité de créer à partir de ses propres règles sans jamais empiéter sur quoi que ce soit. Créer les lois. Le problème avec les lois, c'est que par définition, elles sont déjà là. Puis, c'est là que ça devient. C'est pour ça que tout ce qui est lié au systémique est tellement froid puis tellement enrageant. Un philosophe a dit « Je est un autre oui ». Je me souviens d'avoir lu ça. Oui, ben, même le « je », là, ça a été... Bernard, à un moment donné, il est arrivé, il a expliqué le piège du « je », le piège de la fausse identité. Justement, il y avait quelque chose. Si la liberté au niveau de l'esprit, c'est peut-être la possibilité de créer à partir de ses propres règles, sans empiéter. C'est là la différence entre une règle puis des lois. Mais, parce qu'une loi, c'est cosmique, mais je vois les règles comme liées à l'expérimental, psychologique un peu, en tout cas au niveau là, de la vibration derrière les mots. Mais c'est intéressant, ça. Mais la liberté, c'est comment je pourrais dire ça? La liberté, c'est quelque chose qu'on recouvre. C'est quelque chose d'originel. La vraie, là, la vraie liberté. Mais c'est ça, là. Comment je pourrais dire ça? Les parties dans ma vie où je sentais le plus d'énergie, puis c'est les parties où j'avais, comment je pourrais dire ça? Le plus de possibilités de me laisser aller à être moi-même, sans contrainte. Puis par après, je me suis rendu compte il fallait que j'apprenne à accepter de la contrainte pour recouvrer la même énergie, mais dans des contextes différents. Puis ça fait partie, jusqu'à un certain point, c'est une évolution psychologique, mais il y a autre chose derrière, il y a quelque chose d'autre. Mais oui, c'est intéressant, ça. Coudonc, est-ce que le chat est OK? La liberté. Un souhait dans le réel. Ben, on pourrait jusqu'à dire que la liberté, c'est ce qui est réel. Puis qu'on est bloqué par le psychologique. C'est le psychologique qui est un enfermement. C'est par psychologiquement qu'on a besoin de se protéger du réel. La vraie liberté est dans la gravité de l'être fusionné. Donc, ça ne vient pas de l'ego. Parce que une chose dont je suis persuadé, c'est que la fusion de ces choses-là, ça ne vient pas de l'ego ni des choix de l'ego. Ça vient d'autre chose. C'est l'ego, lui, une fois qu'il a brûlé quelque chose en lui, qu'il est prêt, que là, ça descend puis ça commence. Mais tant qu'on pense que la liberté vient de l'ego, il y a un piège là-dedans. Quand on est ici sur cette terre, tant qu'on est ici sur cette terre, on reste le prisonnier. Ben, peut-être, ben, je vois pas ça comme ça. Non. Est-ce qu'on est réellement prisonnier? Je veux dire, l'ego, c'est tellement peu de choses. Le moi psychologique est une fausse identité. Donc, je sais pas. Ben, franchement, puis je me perds aussi un peu. Tant qu'on est ici sur Terre, on reste le prisonnier. Ben, c'est l'ego, le prisonnier. Il est prisonnier, lui. Mais c'est, comment je pourrais dire ça? Un prisonnier n'est pas nécessairement quelqu'un qui n'est pas libre. Il y a quelque chose là-dedans. Et notre prison, oui, ben, une fois qu'on comprend les règles de la prison, puis que, pas les accepter psychologiquement, mais une fois qu'on les voit pour ce qu'elles sont, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'être moins prisonnier? Pas dans le sens d'être libre, mais être moins prisonnier. Bertold, on n'est pas libre, ben non. Bon, en tout cas, je ne me sens pas libre du tout. Mais d'une certaine façon, je le sais que c'est pas grave, puis que c'est pas important. Même à un moment donné, il m'est arrivé d'atteindre des états d'esprit, puis je sais que même si j'aurais été vraiment dans de la grosse merde, j'aurais pas, mais pourtant, par après, c'est pas long que la personnalité revient. Pourquoi une certaine léthargie après une forte descente d'énergie? Je pense qu'il y a un chambranlement des corps. Je pense que c'est un peu comme un stress d'un métal, si on peut dire. Il y a un besoin d'une. Il y a un temps de. C'est comme s'il y avait des cycles d'expansion, puis de. En tout cas, pourquoi? Mais l'ego évolue, oui, psychologiquement. Mais c'est là que. Est-ce que c'est pas l'évolution? L'ego est le jaune d'œuf, le blanc, c'est la mémoire, et la coquille, c'est la prison. Moi, il y en a qui diraient le périsprit, là, puis qui est engrammé. Ben là, on tombe dans du vocabulaire de. Ben, il y en a qui pensent que c'est du vocabulaire de scientologue, mais ça vient des psychologues allemands, ça, la fin du 19e siècle, l'affaire d'engramme, là. On est encore plus prisonnier quand on est mort, oui. Sans recours à l'esprit sur Terre, on a l'occasion de travailler à sa sortie. Il y a ça pour nous consoler. Oui, les morts sont vraiment. Même ils sont obsédés par les vivants, semble-t-il, ou attirés d'une sorte de loi de gravité qui les attache aux vivants. Parce que justement, il y a une sorte de souvenir de possibilité d'évolution de l'expérimental. Puis les morts vont souvent s'attacher au psychisme des vivants, on dirait, comme pour évoluer à travers eux par procuration, alors qu'au fond, ça reste impossible. Puis il y a quelque chose de terrible là-dedans. Voir sa prison est en soi un bon début. Plus on voit, moins on se sent libre, mais cela nous libère en un sens. Oui, ben. Une fois que le concept psychologique de liberté est éclaté, mettons que cette forme-là est éclatée, il n'y a plus besoin d'être libre. La vraie liberté, c'est ne plus ressentir le besoin psychologique d'être libre. Jusqu'à un certain point, là, à mes yeux, parce que c'est ce que je dis maintenant, je ne suis pas sûr que ça a de l'allure tant que ça. L'ego est le miroir de l'âme, manipulé par les forces astrales, oui. Ben oui, mais j'irais plus, je dirais plus que c'est moins. Oh oui, non, ça se tient. L'esprit est-il une étape ou une finalité évolutive de l'humanité? Pour moi, ben dans l'esprit, il n'y a plus d'humanité comme on la conçoit. Puis même là, ça fait partie de notre esprit linéaire occidental. Donc, je me perds un peu là-dedans. L'esprit est-il une étape ou une finalité évolutive? Ben, j'ai ni un ni l'autre, moi, de la façon dont je vois ça. Il faudrait à un moment donné carrément que je me mette avec un papier, puis que c'est quoi l'esprit? L'esprit par l'esprit. Puis là, j'en ai pour. Il paraît que le cycle de réincarnation est fini. La Terre a été libérée car c'est la fin du cycle. Moi, je trouve pas que la Terre est libérée, là. Bon, en tout cas, refuser de manger une bonne poutine, c'est combattre son ego. Ben non, c'est combattre un besoin. C'est essayer justement de. Parce qu'il y a des mécanismes renforcement positif-négatif, besoin, frustration, qui fait partie du psychologique. Et puis transcender ça, ça fait partie des mécanismes d'essayer justement, si on peut dire, la maturité de l'ego. Parce que jusqu'à un certain point, si c'est plus fort que vous, ça veut dire que c'est de la possession. Puis comme quelqu'un là, qui. Comme par exemple, là, il y a des gens, là, c'est des obèses morbides, puis ils ne peuvent pas s'empêcher de manger, ils vont dire c'est plus fort que moi. C'est qu'il y a, à ce niveau-là, il y a une compensation qui est liée à des troubles psycho-affectifs émotionnels. Et puis, la graisse contient de la mémoire psycho-affective. Et il y a là un cercle vicieux. Donc, mais c'est comme arrêter de fumer, ça peut être rapproché avec ça. Mais comme là, j'ai arrêté de fumer. Mais c'est pas parce que j'en avais pris la décision. J'ai eu la vibration de cesser de fumer. Puis chaque fois que je pense à refumer ou que je m'en vais pour refumer, il y a quelque chose qui m'arrête. J'ai la vibration de pas le faire. C'est difficile à comprendre, mais le processus n'a pas été psychologique dans mon cas. C'est comme une. L'ego, c'est comme une pierre. Ça travaille. Il doit être transparent, propre. Ben, c'est de brûler de la pollution. Bonjour, Jalian. Qu'est-ce que le phénomène d'incarnation? Y a-t-il une différence entre l'incarnation et la réincarnation? Ben moi, je vois ça comme la même chose, mais de l'incarnation, c'est de l'énergie qui prend corps. C'est le fait que une forme dans un niveau plus dense va être animée par du plus subtil. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. L'âme est l'expérience, la bibliothèque des expériences passées collectives. Oui, l'âme, c'est de la mémoire. À un moment donné, j'avais pensé faire des petites capsules supramentales extrêmement rapides, là, un peu comme Pierre Légari vient de décéder là, avec ses maux de tête. Puis, un des premiers que j'avais pensé, c'est « L'âme, c'est de la mémoire. » Puis là, pouf, c'est fini. Tout ce que j'avais à dire. Mais c'est de la mémoire de différents niveaux. Parce que l'ego peut pas se souvenir de toute la mémoire qu'il a emmagasinée. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui doivent se plonger dans certains états seconds. Pour recouvrir certains souvenirs. Mais l'âme, c'est collectif aussi. C'est pour ça qu'il y a des expériences avec des animaux, on se rend compte qu'ils savent toute une chose d'un coup. Quand on sent physiquement que les corps éthériques se construisent, ben, ça commence. C'est par l'effet sur les autres corps, c'est-à-dire il va y avoir des effets dans le corps physique, mais le corps éthérique, lui, il est quand même. C'est les corps intermédiaires. Qui semble être obligé de se construire parce que nous sommes dans un espace-temps. Nous sommes prisonniers dans un espace-temps. Il y a, si on peut dire, un principe, ce qu'on a appelé anciennement les ténèbres, et ça ralentit l'énergie. C'est très, très dense et ça vient créer l'espace-temps. Et il semblerait que c'est parce qu'on est pris dans un espace-temps qu'il faut, semble-t-il, à notre niveau, comme nous on appelle, fabriquer des corps. Mais. À un certain niveau, en dehors du temps et de l'espace, tout est fini, tout est déjà fait. Qu'est-ce que je pense de Philippe de Guillemin, je ne le connais pas. L'âme, c'est de la merde. Oui, parce que c'est de la mémoire. Dans le sens que. L'âme, c'est de la merde, dans le sens que l'âme, c'est un peu comme un disque dur qui enregistre tout ce que vous mettez dessus. Malheureusement, on a atteint un niveau d'évolution psychologique. L'être humain a atteint un niveau d'évolution psychologique où sa mémoire lui nuit et le bloque et le ralentit parce que l'âme se densifie. Freud dit qu'il y a la mémoire refoulée qu'on croit que l'on a oubliée, mais qui est cachée par d'autres. Là, je vais le perdre si vous écrivez trop. Par d'autres informations, elle se manifeste dans les rêves, les lapsus, les actes manqués. Oui, ben, c'est des agissements de l'âme dans son entièreté, si on peut dire, puisque Freud appelait l'inconscient, ça recoupe l'âme, l'astral, c'est-à-dire la mémoire expérimentale. Puis c'est tout. Si on change les mots, mais au fond, on n'a pas avancé, même pas avec Freud. Lui, il aurait pris de la coke jusqu'à se faire pourrir toute la tête, que ça n'aurait rien donné, je pense. L'âme, c'est de la merde, elle est influencée. Oui, mais l'âme est mémoire, donc elle est influence. Donc, tout est. Ben, ça ne veut pas dire que l'âme, en tant que véhicule, est de la merde, il rend possible. Et sans âme, il n'y a pas de vie dans notre plan. Tout à fait, à cause de l'ADN aussi, le monde devient fou avec les blocs. Ben oui, c'est très clair. À l'exception que la réincarnation est la forme qui est prise, la forme qui s'est prise à une mémoire planétaire qui réintègre la conscience dans un corps. Oui, ben je vois l'âme réellement comme un corps intermédiaire. Et puis c'est par là que l'expérimental s'enregistre. Il n'y aurait pas possibilité d'enregistrer l'expérimental sans l'âme. Mais malheureusement, comme c'est un corps intermédiaire, l'esprit ne peut pas passer par. En tout cas, ça crée des couches de densification. Incarnation égale transmutation. Une de plus. Moi, il faudrait que je me pense plus là-dessus, que je le regarde dans un autre état. On le regarde occultement. Alors que l'incarnation est un plan cosmique qui prend forme comme une première fois, de mon point de vue en tout cas. Ben, on peut remarquer des âmes jeunes, qu'il existe des âmes jeunes au moins réceptives, si on peut dire, au moins, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un là qui fait des gaffes tout le temps, puis qui est soit juste manuel, mais pas capable d'être plus. Ou quelqu'un qui est juste intellectuel, pas capable d'être incarné dans son corps, puis de travailler de ses mains. Moi, c'est ce que j'appelle une âme jeune, où il y a eu un trouble, il y a quelque chose qui fait que la personne n'est pas tout à fait incarnée. Ça fait des gens qui font des gaffes ou qui sont lunatiques un peu. Mais là, une âme jeune, c'est un peu un terme, presque une figure de style. Mais disons que les groupes sanguins, pour quelle raison on dit du sang bleu? Ben ça, c'est des vieilles niaiseries, l'affaire de sang bleu. À l'époque élisabéthaine, les nobles se sont mis à se maquiller. Puis après, ils redessinaient avec du bleu les veines. C'est des modes qui n'ont pas de bon sens, mais il y a eu longtemps l'idée que tant que le sang était dans le corps, il était bleu. Puis même quand j'étais enfant, il y avait des gens qui pensaient que le sang devenait rouge au contact de l'air en s'oxydant. Mais l'histoire de sang bleu, c'est par rapport à des vieilles pensées par rapport aux lignées, puis au fait qu'il y a un sang plus pur que d'autres, ce qui est complètement ridicule. Plus un sang est pur, plus il est consanguin. Plus un sang est pur, ben plus vous reproduisez des petits chiens dans la même famille, plus ça fait des petits chiens tout croche. Donc, amour, souffrance, là, force retardataire ou évolutive, les deux. Les deux. L'amour psychologique ou l'amour astralisant est vraiment un retardateur. Mais l'amour réel, c'est parce qu'il y a trois principes. Il y a l'amour, il y a l'amour, l'intelligence et la volonté. Un amour intelligent, ça donne du respect. Un amour volontaire doit être intelligent, blablabla. Et on peut faire des permutations longtemps comme ça. Mais il existe de l'amour qui n'est pas intelligent, de l'amour qui est animalien, de l'amour qui est planétaire et territorial. Ça, c'est de la marde. C'est polarisé. D'ailleurs, vous remarquerez chez les gens qui ont cet amour-là, ils vont finir par tomber dans d'autres polarités, c'est-à-dire ils s'aiment d'une façon folle, puis après ils tombent dans l'autre polarité, puis ils chicanent, puis ils saillissent. A-t-on choisi notre script avant de s'incarner? Avons-nous écrit notre scénario? Avons-nous? Est-ce qu'on est leurré par des entités? C'est clair, moi, à mes yeux, qu'il y a des plans. Mais là, de là à dire que comme il faudrait ça, essayer de le canaliser, puis de passer du temps juste là-dessus, mais c'est intéressant. Avons-nous été leurrés par des entités? Ça, c'est clair qu'on est leurré, mais que ce soit des entités plus élevées ou astrales, on est tout le temps leurré, même par nous-mêmes, par notre propre subjectivité, de toute façon. La route du temps. Oh, ça fait un bout de temps que je lis plus, mais à un moment donné, j'ai perdu la vibration de lire. C'est assez spécial. Parce qu'avant, j'ai eu un temps, je lisais tout le temps, là, tous les jours. C'est de la faute du prince charmant. Et de la Reine des Neiges. Oh. Ben peut-être. Moi, ça fait. Ouais. J'ai perdu la vibration d'écouter des films aussi, puis ça fait longtemps, ça. Fait que j'ai pas d'enfant, fait que la Reine des Neiges, j'entendrai jamais ces maudites chansons fatigantes. Il paraît que c'est pas drôle. Vous avez déjà entendu parler de groupe sanguin, bombé 5 000 personnes au monde. Oui, ben, les groupes sanguins, il y a eu plusieurs théories par rapport à ça. Puis on peut voir là-dedans un fond de la théorie des humeurs, même des fois. Mais l'affaire des 5 000 personnes au monde, ça, je sais pas. Je sais que, en tout cas, quand j'étais petit, mes parents me disaient que peut-être un jour on m'appellerait pour donner du sang parce que j'avais un sang universel. Mais ça, est-ce que ça influence vraiment les caractères comme on le pense? C'est là qu'on voit qu'il y a plus subtil que juste le corps, là. Donc, Philippe Guillemin, La route du temps, il dit que le libre arbitre n'existe pas avec une théorie physique. Ben, c'est que l'objectivité réelle ne semble pas présente psychologiquement dans l'être humain. Moi, c'est à ce niveau-là que je considère que le libre arbitre n'existe pas. Puis Bernard, lui, il a fait, dans sa Genèse du réel, il y a des chapitres complices juste sur le libre arbitre. Puis c'est pas à ce niveau-là, lui, c'est vraiment vibratoirement, lui, puis occultement qu'il regarde, c'est vraiment, ça va au-delà de même de concept. C'est difficile, là. Les Melchisedecs. Les Melchisedecs, ce serait un ordre d'intelligence qui serait lié à la justesse. La justice, si vous voulez. Et puis, au niveau de l'expérimental, ça viendrait, ça serait lié à une. Mais ça, c'est comme Bernard en parlait. C'est étrangement, ce terme-là, chez les Hébreux, était lié à des lignées de juges. Mais vraiment, là, ma perception sur les Melchisédèques, je ne me suis jamais, jamais vraiment penché à ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire appel à cet ordre-là d'intelligence, qui serait lié à de la régulation, qui serait lié à une régulation de l'énergie expérimentale sur les planètes en évolution, puis à la régulation. Mais c'est souvent, il semblerait que ça soit lié à de l'autorité, mais sans faille, au sens de correction de la direction de l'énergie puis de la lumière. Mais là, ce que je vous dis là, c'est, je me suis jamais penché vraiment là-dessus. Je n'ai jamais canalisé non plus là-dessus. Peut-on utiliser le plasma de Quinton pour les gens qui ont besoin de recevoir le sang? Mais la médecine ne parle pas de ça, c'est tabou, ben c'est certain. Mais il y a des endroits aux États-Unis où quand il y a des témoins de Jéhovah, ils leur proposent ça au lieu de transfusion sanguine parce qu'ils refusent les transfusions sanguines. Donc, il y a une réalité là-dedans. J'ai aussi vu l'expérience, là, il y aurait un médecin, je pense, espagnol, qui a transfusé du sérum de Quinton à des chiens. C'est très intéressant. Mais de toute façon, il y a quelque chose par rapport à la formation de la vie sur Terre qui est lié à la mer. Prenez quelqu'un d'extrêmement névrosé comme Ward Philip Lovecraft. Il avait une phobie de tout ce qui venait de la mer, mais c'était quelqu'un qui était un peu anti-vie, à mes yeux, là, qui était très astralisé. Mon ordinateur m'a dit qu'il est en train d'être faible. Je vais aller chercher quelque chose pour le brancher, ce sera pas long, puis on jasera encore un peu. Mon ordinateur a besoin d'une transfusion. Bon, si j'ai connaissance des nouveau-nés à la suite de l'injection de la thérapie génique sur les mères pendant la grossesse, j'ai vu des choses qui circulent, des gens en ont parlé un peu, mais moi, c'est, il faudrait que j'ai. Je suis quelqu'un de plutôt empirique, là. Il faudrait que je les voie en personne, ces petits bébés-là, voir s'il y a réellement quelque chose. Oui, la perte des vibrations de certaines habitudes, choses se met en place tout seul, oui. Puis même des fois, je sais que mon rôle, lui, va dire souvent l'effort est le signe de l'erreur, mais jusqu'à un certain point, je considère que c'est pas nécessairement vrai. Mais les choses, des fois, c'est simplement de laisser. Dès qu'on cesse de donner de l'importance psychologiquement à quelque chose, il me semble que c'est plus facile. Puis, voyons, j'avais quelque chose, puis je l'ai perdu. Par rapport à ça, le libre arbitre, jusqu'à un certain point, si vous êtes très, très centré, il y a toujours le choix de se laisser aller à une mise en vibration ou pas. Mais pour ça demande, il y a un certain effort. Mais là, on pourrait parler de. C'est presque pas être centré, ça, c'est être concentré, puis ça reste psychologique. Oui, la mémoire de l'eau, oui, j'ai vu des choses sur ça. Mais tout est lié à des lois cristallines, si je puis dire. L'eau fait pas exception. Mais ça en est du systémique, à mes yeux. Perdu la vibration de l'air aussi, et même les sorties à l'extérieur, voir des. Ouais, mais ça. Moi, je le fais quand même. Là. Je me suis même au début, ça me surprenait, ça me dérangeait pas trop. J'observais ça avec curiosité. Mais moi, je peux comprendre. J'ai plus envie de faire mon épicerie. J'ai plus envie de. Ben, faut dire que bon, j'avais pas de vrai. C'était pas un loisir extraordinaire. J'avais pas une joie intense à faire mon épicerie. Mais là j'en ai. C'est certain. C'est certain, mais là, ça, c'est perdre la vibration de faire des sorties, ça peut être parce qu'on se sent agressé. Fait que là, est-ce que c'est psychologique ou vibratoire? Mais derrière le psychologique, il y a du vibratoire. Donc là, ça devient un peu pointu. Suis en pause. Bonsoir à tous. L'effort est le signe de l'erreur. Ouais, ben, Mais il y a André Moreau qui dit ça, mais moi, Moreau, je suis d'accord à peu près avec 10% de ce qu'il dit. Fait que moi, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas. Au contraire, il y a quelque chose de la constance, ça prend de la constance puis de l'effort. Ça fait partie de l'intégration puis de la maturation, je considère, au niveau de l'expérimental. Moi, j'entends d'être invité à un mariage. Ben oui, mais c'est parce que moi, le mariage, j'y crois juste si je suis pas concerné. Le mariage psychologique. Moi, ben c'est toujours psychologique, le mariage. C'est-à-dire que l'être humain, il va avoir besoin de donner des formes à l'énergie, puis il a toujours ritualisé, puis ça fait partie du passage du tribal au psychologique, puis du chamanisme au spirituel, quelque part. Donc, le mariage. C'est des formes sociales. En tout cas. Bon, là, il n'y a plus personne. C'est à cause de l'agression des vibrations du monde autour qui fait cela. Nous aussi, on a de la misère à bouger avec d'autres à la télé ou lire. Ben, moi, je me sentais pas agressé par mes lectures. J'ai juste perdu la vibration de lire. Mais. Par rapport à se sentir agressé par l'extérieur, il y a aussi possibilité de, comment je pourrais dire ça, de s'habituer si on n'a pas le choix. Une femme peut rendre un homme grand ou le détruire. Ouais, puis des fois les deux, un après l'autre. Mais ça veut dire qu'il était petit au départ. Donc, je sais que tu crois pas au mariage psychologique. Ben, c'est parce que le mariage, c'est une forme qui était, comme je disais, c'est lié à des conventions sociales. Pourquoi? Parce que l'être humain, en s'incarnant dans un corps matériel, est influencé par des forces animales, animaliennes, comme on dit, et l'être humain, pour se civiliser, n'a pas le choix de ritualiser. D'ailleurs, culture vient de culte. Et puis, c'est pas pour rien que, au fond, on peut voir en observant l'histoire, on peut voir comment l'être humain a évolué psychologiquement, puis maintenant il est arrivé au bout du psychologique, puis là il va falloir qu'il détruise des formes pour essayer d'arriver à autre chose. Nous avons créé la civilisation, mais la civilisation risque de détruire l'individu parce que c'est des forces collectives, ça. Donc il va falloir qu'il y ait d'autres choses de créer, mais ça ne viendra pas du collectif, mais de l'individu. Et c'est là que Bernard devient intéressant. Avons-nous tous un double ou faut-il créer? Comment le créer? Ça, je vais être bien franc, je ne le sais pas. Je ne sais pas si nous avons tous un double. Ça, je ne le sais pas. Il y a des gens chez qui je sens absolument rien. Puis, comment le créer? Ben, c'est quelque part, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Moi, à mes yeux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est marqué pour un certain type d'évolution va entrer dans on peut appeler ça un cheminement, mais ce n'est pas un chemin, c'est plus une expansion. Puis il va se densifier quelque chose, un corps intermédiaire. Mais ça, on le voit chez les gens qui sont au départ souvent très intéressés par la spiritualité aussi, ou qui ont une sensibilité exacerbée. Comment les enfants vont-ils pouvoir se remettre de cette mascarade astrale? Il y en a qui vont être complètement retardés par ça au niveau de leur développement, puis qui vont rester des handicapés psychologiques puis émotifs pour le reste de leur vie. Il y en a d'autres que ça va avoir rendu, encore une minorité, que ça va avoir rendu encore plus sensibles et qui vont devenir plus intelligents que la moyenne des enfants actuellement. Donc, c'est du cas par cas à mes yeux. Bonsoir. Pour moi, en ce moment, une forme de repli, c'est une perte d'intérêt pour l'extérieur, les lectures, les sujets, les relations sorties du collectif. Oui, j'ai eu une phase comme ça aussi. Puis c'est comme il y a quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui est brûlé. Et puis quelque part, ça fait de la place pour ce qui va possiblement. Mais là, il faudrait vérifier aussi si c'est pas ce qu'on pourrait appeler une bonne vieille dépression. Ben, ça, je pense, ça n'a pas l'air de ça, vous. Si j'ai une idée pourquoi le soleil a changé de couleur, ça m'est demandé souvent. Ben, moi, je pense que c'est lié à la densité de l'atmosphère, que le soleil n'a pas changé de couleur, que c'est ce qui nous en. C'est l'atmosphère qui a changé, qu'on nous met toutes sortes de cochonneries dedans, que ça change notre perception du soleil. Mais ça, je le dis comme ça, là. C'est pour. Une fois, des mots sont sortis de ma bouche et ce n'est pas moi qui a parlé. Est-ce que c'est l'astral ou autre chose? Ça peut être les deux. Ça peut être l'astral comme autre chose. Moi aussi, ça m'arrive. Des fois, c'est très, très. C'est à voir, est-ce que c'était très, très intelligent ou non. Le double, en fait, il est en dedans de chaque être. C'est son soi cosmique, l'ego qui reçoit les communications télépathiques. Oui, puis même là, en disant qu'il est en dedans de soi, il y a une spatialisation. En fait, on est relié par l'intérieur, semble-t-il, par les centres. Mais le double, lui, il aurait la capacité d'être, comment je pourrais dire ça, à un niveau non spatial, d'où la capacité de télépathiser d'une façon non spatiale. Ça semble pas être influencé par les distances, par exemple. Si je crois que certains humains sont des robots biologiques en quelque sorte. Ben, il y a des gens chez qui je sens pas de présence, je sens pas d'esprit. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas vraiment. Je pense tout simplement qu'il y a des gens qui sont des anthropoïdes sophistiqués. Ben, nous sommes tous des anthropoïdes sophistiqués. Même j'ai vu des singes, puis je considérais qu'il y avait quelqu'un. Mais il y a des gens chez qui je sens personne, puis pourtant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment des machines humaines? Je sais pas. Et tiens, ils sont en train de socialiser de manière mentale. Ben non, on socialise toujours de manière sociale. Comment faire autrement? C'est qu'est-ce qui passe par le social qui peut être différent? Pour cela, que l'ego faux devienne transparent comme un cristal qui prend la lumière pour la séparer. Ben, pour ça, il faut brûler beaucoup de pollution expérimentale qui nous viennent justement de l'extérieur, puis du contexte, puis du vécu. Comme quelqu'un qui est particulièrement habitué, qui a été très, très sensible à la honte, à l'humiliation, par exemple, va avoir beaucoup de difficultés à pas faire de gaffe, à pas être nerveux. en public. Il faut se foutre de soi-même jusqu'à un certain point. Ça devient difficile. Quelqu'un qui n'a pas peur de se tromper se trompe moins souvent. Ça, j'ai cru remarquer ça. Mais quelqu'un qui est trop sûr de lui perd de l'intelligence. Mais dès que quelqu'un doute de lui-même, il perd aussi de l'intelligence, il perd de la présence, puis il se décentre. Puis là, il y a une déshabitation par lui-même. Là, la personne est moins incarnée un peu. Donc, c'est subtil, ça. Donc, on peut être la marionnette de l'astral ventriloque. Ben oui. Il y a même des gens que c'est juste ça de la mémoire. Il n'y a aucune créativité, aucune capacité de dire quoi que ce soit de spontané. On peut deviner d'une seconde à l'autre ce que la personne va dire. Ça, c'est de l'astral. Parce qu'elle obéit à des mécaniques de mémoire. Je devais deviner un nom et c'est sorti tout seul. Ah, ben ça peut être spontanément. Ben oui. Peut-on entendre son double? Oui. Oui. Puis même, moi, c'est arrivé une fois vraiment que c'était carrément comme si quelqu'un me parlait. C'était matériel, là. C'est comme que si quelqu'un s'était penché vers moi pour me parler. Penses-tu que la lumière va venir vraiment? Je sais que ça part de soi. Va-t-on avoir un coup de main de quelque part? Ça vient toujours de l'extérieur. Ces valeurs-là. Ben, de l'extérieur au père en dedans, ça revient au même, à mes yeux. Que se passe-t-il au niveau de la Terre? Inondation, tremblement de terre, neige, Sahara. Ben, je pense qu'on arrive à. Il y a des cycles, hein, naturels. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui veulent contrôler les cycles. Des consortiums, puis des. Donc, c'est un mélange de tout ça, je pense. Que penses-tu de l'hypnose régressive ésotérique qui se développe beaucoup sur le net? Je pense que c'est de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, là, mais moi, je. Non. Il y a quelqu'un là avec qui j'avais discuté qu'elle avait eu une séance, là, puis là, c'était rendu là, les dracos sur la lune, là, avec des boîtes, là, puis des. Il y a quelque chose là-dedans de. Vous êtes aussi bien de. Moi, en tout cas, j'ai de la misère avec ça. Parce que sur tout ce que j'ai vu sur le net, là, sur YouTube, entre autres, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ça semble surtout être un commerce. Puis, il y a quelque part là un manque de rigueur scientifique. Il y a une interprétation spiritualisante là-dedans, souvent. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. À mes yeux, on est dans de la grosse fricassée, là. C'est de la gibelotte. Puis il y a toutes sortes d'affaires qui passent par là, puis non. J'ai pas vraiment d'intérêt pour ça. Par contre, ceux que ça intéresse, là, il y a beaucoup de choses intéressantes par rapport à l'auto-hypnose, l'auto-observation d'état second. Puis là, on peut développer une vue du fait que justement, il y a différents niveaux de conscience dans l'être humain. Donc, le manque de joie peut-il provenir de l'astral? Non, pas nécessairement. Si le manque de joie n'est pas remplacé par de la tristesse, si votre manque de joie est remplacé par de la tristesse ou par quelque chose qui est l'équivalent négatif, là, il y a une polarisation psychologique, mais pas nécessairement. Le ventriloque, Christian Gabriel, je ne connais pas. Ça a bougé chez moi, au fait, j'ai une ligne telle. Sur mon site, pas besoin de boîte mail pour avoir le fin mot des deux que j'ai fait là. Hein? J'ai rien pu suivre. Ah, je comprends pas de quoi vous parlez, mais je reconnais votre logo. Pour quelles raisons les personnes spontanées, elles dérangent beaucoup à la place d'être contentes d'avoir ces personnes autour de nous? Parce que c'est de l'imprévu. Puis ça dépend. Il y a des gens qui sont spontanés, mais d'une façon non ajustée. La spontanéité désajustée, c'est pas plaisant, là. Si on part du principe que le passé, présent, futur se passe en même temps, ben, c'est parce que si on part du principe que le passé, présent, futur, c'est la même chose, il n'y a plus de notion de temps, non? L'âme d'un être peut-elle être fragmentée et incarnée dans plusieurs corps en même temps, dans des époques différentes? Pourquoi pas? Puis je pense que c'est par une mécanique vibratoire qui peut passer de l'énergie d'un à l'autre. Pourquoi pas? Ben oui, je vois pas. La vie est tellement sérieuse qu'il ne faut rien prendre au sérieux. Oui, ben, il y a des choses qui sont trop sérieuses pour être prises au sérieux. Parce que sinon, on tombe dans une forme de danger. Mais les personnes spontanées qui dérangent, c'est parce qu'il faudrait intégrer de l'ajustement. À moins que ce soit qu'elles soient entourées d'êtres qui sont anti-créatifs. Ça peut arriver aussi. J'ai souvent vu ça, notamment quand j'étais enfant à l'école. Il y a des professeurs qui n'aiment pas les enfants intelligents et qui réagissent agressivement à tout ce qui est intelligent qui ne vient pas d'eux. Ça, c'est lié à de l'orgueil, à de l'ego, puis à un paquet de problèmes, à une immaturité qu'ils ont eux-mêmes. L'enfant, peu intelligent qu'ils étaient, se sent en danger par l'autre. Puis ces gens-là vont avoir un besoin de contrôle à l'extérieur parce qu'ils n'en ont pas à l'intérieur. Et ces gens-là sont des empoisonneurs d'enfants. Ils sont dangereux. Mais d'un autre côté, si juste les gens qui ont la vocation étaient professeurs, on n'aurait pas beaucoup de professeurs. Qu'est-ce que je pense du nettoyage des mémoires cellulaires? Ah, ben, on entre dans des choses que je ne me suis jamais penché. Le nettoyage des mémoires cellulaires. Ben, de la mémoire, c'est de la mémoire. Ça va prendre, ça peut se fixer, comme je disais, là, certains obèses qui sont des gens très émotifs qui ont eu des expériences dans le passé traumatiques vont se mettre à accumuler de la graisse puis que jusqu'à un certain point, c'est de la mémoire affective traumatique qui s'accumule, mais il reste que ce qui est subtil, c'est subtil. Ça peut quitter un support pour aller vers autre chose. Donc, ben, c'est possible, mais probable qu'on peut nettoyer ça en passant par autre chose que d'aller directement dans les cellules. C'est subtil, ce dont on parle. Pourquoi je pense que depuis 2020, les yeux de beaucoup de gens sont ouverts à cause de la souffrance expérimentale, puis aussi le fait d'une perte de repère. Donc, une fois quand ce qu'on a toujours cru solide n'est plus là, quand on perd le sol sous ses pieds, on est porté à regarder le sol, vers le sol. En faisant un régime alimentaire, on enlève de la mémoire. Ben, si c'est fait, non, parce que si la mémoire est encore là, vous allez avoir des gens qui vont reprendre le poids. Et même pire, là. Ça peut devenir pire. Ah, bonsoir, du sud de la France. Le sport, à mes yeux, c'est important pour apprendre à s'habiter. Mais ça peut être n'importe quoi. Pas besoin de faire nécessairement du sport, là. Prenez là, une vieille dame qui a du stress, puis juste se tricoter, ça peut être bien. Et l'eau de Bretagne. Ah, ben, je ne connais pas particulièrement par rapport à l'eau de Bretagne. Moi, j'habite un coin où il y a eu souvent des tests où nous aurions l'eau la plus, une des eaux les plus saines et les plus pures au monde, qui serait due au passage des glaciers qui ont créé des couches de sédiments qui filtrent l'eau et qui créent des sources qui sont à des dizaines de kilomètres, même des centaines de kilomètres sous la surface. Et malgré le fait que c'est probablement une des eaux les plus saines, les plus pures au monde et aussi les plus saines au niveau des quelques minéraux qu'il y a dedans, ici, la municipalité où je suis, ils chlorent l'eau. Ils chlorent l'eau. Il y a possiblement eu de la négligence au niveau des aqueducs, puis peut-être même du lobbyisme pour vendre du chlore. D'ailleurs, le chlore peut engendrer, à mes yeux, mais là, ce que je vous dis, c'est de mémoire, mais c'est pas très bon pour la vessie. Puis ça peut engendrer des problèmes, puis je trouve ça complètement stupide. Je suis dans un des endroits que l'eau a le plus de qualité au monde et ils mettent du chlore dedans. En plus, il y a des systèmes d'assainissement de l'eau qui ne nécessitent aucun chlore. Vous savez, c'est une forme de tuyauterie où l'eau, il y a des doses phénoménales de photons qui sont envoyés dans l'eau par des types d'éclairage particuliers et ça tue tout, en tout cas. Oui, pas se prendre au sérieux. Ben, si je me prenais au sérieux, ça ferait dur, là. J'aurais pas autant de fun, en tout cas. Le peu de fun que j'ai. Il y a la ville de Shawinigan, il n'y a pas de fluor. Ben, ici, je pense pas qu'il y en ait. Ça m'étonnerait, mais peut-être que des fois, on nous dit pas. De l'eau de source que vous allez chercher en montagne, ça peut être une bonne idée. Quand j'avais ma maison, j'avais mon propre puits. J'avais mon propre puits, puis je la faisais tester. Puis c'était une eau qui était de bonne qualité. Puis j'avoue que j'étais content d'avoir mon puits. Le problème, c'est que j'étais entouré de mines. Puis je ne savais pas si ça bug chez vous. Bon. Ah ben je pense pas que ce soit moi. Moi, ma connexion est correcte. À moins que vous ne parliez pas de ça, là. Qu'il ne soit pas question de technologie. Certains individus mélangent l'eau avec de l'argile verte. Dernièrement, il y a quelqu'un, ça fait plusieurs années, qui voulait à tout prix que je mette de l'argile dans le corps parce que à cause par rapport à mes brûlements d'estomac, ça fait des années que je dis à cette personne-là que j'en souffre pas de mes brûlements d'estomac, puis que j'ai pas la vibration d'ingérer d'argile, puis la personne me revenait encore avec ça. Mais c'est sûr qu'après une dizaine de fois, puis de plusieurs années, là, j'ai fini par perdre patience. Mais chez moi, ça a une fonction, ça. Même Bernard, quand il est à un moment donné, il disait, c'est bon d'être malade des fois. Puis, ben, je me sens considère pas comme malade, mais peut-être oui, ça peut être indiqué pour certaines personnes, en notant que la personne a la vibration, puis qu'elle est consentante. Pas l'écœurer avec ça, nécessairement. Faut-il faire des provisions, des réserves? Ben moi, j'avais à un moment donné, ben il est écrit hein, dans certains écrits sacrés d'avoir toujours 6 mois d'ingrédients secs à disposition. Pourquoi pas? Mais là, ce qu'il faut pas, c'est selon votre vibration, si vous êtes réceptif, puis. Ah, c'est votre connexion. Bon, je me demandais. Le chlore dans l'eau a été employé beaucoup dans les camps de concentration. Oui, ben c'est parce que ça rendrait passif le sens. Passif, semble-t-il. Puis aussi, il doit avoir un lobby. Et on essaie tout le temps. Mais ça, il paraît que oui, ça a un effet. Du charbon ultra-ventilé soigne le foie. Oui, mais ça, c'est pour des gens qui ont le foie malade. Je pense que j'ai un bon foie. Dans le temps que là, j'ai plus la vibration de boire depuis beaucoup de mois, mais habituellement, moi, j'étais sur les spiritueux, puis je tolérais bien l'alcool. Puis j'ai un petit bonhomme tout petit, tout petit. Mon foie va très bien, je pense. Mais les gens, les molécules d'eau est déséquilibrées. Que peut-on faire de plus à ce niveau-là? C'est la vie. Ben, il y a des magnétiseurs qui magnétisent leur eau. Si ça vous intéresse, ces choses-là, il est question de vibratoire au fond. Moi, j'ai jamais cru au fluide magnétique. Je pense que c'est la mécanique vibratoire qui est derrière tous ces phénomènes-là. Donc, si ça vous intéresse, là, la marquise de Puységur et puis toutes ces choses-là que j'ai lues il y a des années, il y a des choses intéressantes là-dedans parce qu'on peut essayer empiriquement. Donc, je vois pas de mal à faire des expériences. Il y a des municipalités qui mettent des choses de fluor et des choses illégales sans consentement de leurs citoyens. Oui, ben vous savez, moi, dans les municipalités, c'est jamais le maire, moi, que je surveille, c'est le directeur général et les gens qui l'entourent. En tout cas, si ça vous intéresse, là, les intrigants de municipaux, il y a des moi. Oui, ben, il y en a qui penseraient que ça passerait par l'eau, mais dès qu'il est question d'une infection, il va y avoir des rumeurs, pas non plus être paranoïaque, tout en étant restant lucide, en sachant que la société sait de la manipulation. On conseille de manger du persil à chaque repas ou du citron contre les brûlures d'estomac. Hey, laissez mon estomac tranquille, je ne souffre pas, je vais très bien. Ça rafraîchit tout ça, bon, c'est sûr. Mais quand j'étais, j'ai quand même, j'ai fait une bonne école de cuisine, puis c'est incroyable comment dans la cuisine, les classiques, le persil puis le citron sont utilisés. C'est toujours présent, quasiment. Le foie régule tout et le monde des émotions. Ben, anciennement, à l'époque de la théorie des humeurs, on pensait que la colère siégeait au niveau du foie. Mais d'une certaine façon, si on prend le corps au niveau de la psychologie endoctrinienne, Le foie est l'organe le deuxième plus gros après le cerveau. Et puis moi, je pense que la pensée est pas juste. Je vais pas la spatialiser au niveau du cerveau nécessairement. Je pense que c'est vibratoire, entre autres, et qu'elle a tout le corps. De toute façon, au niveau des plasmas, puis tout ça, c'est pas si fou que ça. J'ai joué. Ben, vous savez, anciennement, on rattachait un astre à chaque organe. Puis, bon. J'ai loué un appartement avec un linky. Depuis que j'y suis 15 jours, je dors mal et maux de tête. Oui, mais si vous aviez déjà une mauvaise opinion de ça, il pourrait y avoir quelque chose de psychosomatique. Mais c'est possible aussi que ça ait un effet, ces compteurs-là. Moi, je dors à côté de tous les compteurs du bâtiment. Puis je me sens pas. Est-ce que ces brûlures d'estomac, même si j'en souffre pas, peuvent être liées à l'intégration de l'intelligence? C'est clairement chez moi lié à l'intégration de mon expérimental. C'est clairement lié à mon expérience. C'est pour ça que j'ai toujours dit, des fois je plaisante parce que il y a des proches qui vont dire, ils voient que j'ai des douleurs. Parce que des fois, je vais être porté à faire ça sans m'en rendre compte. Puis là, ils vont dire, voyons, t'as encore mal. Puis je dis, ah, c'est une petite douleur, le fun. Mais je suis pas quelqu'un de. Je sais pas, il n'y a pas de quoi. En tout cas, mais ça a commencé quand j'avais 8 ans, imaginez, là, depuis le temps. T'es un peu habitué quand même. Notre grand est-ce que j'ai manqué des choses? Notre grand chef cuisinier s'est suicidé car il a perdu une étoile au guide Michelin. Eh bien, si tout le monde était fragile à ce point-là, il y aurait beaucoup plus de suicides qu'il y en a. Ça veut dire que la personne avait une identité basée sur sa carrière. Puis qu'il n'y avait pas la possibilité d'être créatif au point de se réinventer dans son expérimental. Parce que se suicider pour ça, là, c'est un peu comme une très belle femme qui aurait eu un accident, puis qui aurait le visage maintenant avec un défaut, puis qui se suiciderait pour ça. Il y a quelque chose là d'une immaturité, à mes yeux, puis pas une immaturité psychologique, même ça va plus loin que ça. Mais le suicide est toujours lié à. Il y a eu une astralisation, il y a eu une baisse d'énergie, probablement liée à du découragement, puis la personne s'est faite mettre cette idée-là dans la tête de se suicider. Les idées noires, ça vient de l'astral, hein? Puis les gens sont réceptifs à ça quand ils sont très bas en énergie, qui ont des basses fréquences. Là, se suicider pour ça, hey, vous saviez, moi j'étais. C'est vrai que dans le domaine de l'hôtellerie, puis j'ai vu des gens très compétents, très intéressants, très intelligents, mais souvent superficiels. Donc, mais ça, il faut le faire là, parce qu'il a perdu une étoile au guide Michelin. Eh bien, c'est terrible. Il était compétent pour la cuisine, mais il n'était pas beaucoup pour. En tout cas, moi, je trouve pas ça. Il y a là un manque d'intelligence, puis à mes yeux, ça venait pas de lui. Il y a eu un manque d'identité. Il y a du monde qui disent que le brûlure, c'est lié au groupe sanguin, O négatif. Bon, je pourrais pas dire. Ben, moi, je suis un bilieux à tendance lymphatique. Ceux qui ont étudié les tempéraments, là. Donc, on se suicide jamais seul, c'est ça. Le suicide, c'est d'abord et avant tout une idée persistante, souvent, ou un coup de tête, puis ça vient pas de. La pensée vient d'ailleurs. Puis les gens se suicident pas par accident, sinon c'est un accident. Quelqu'un qui meurt, pareil. Mais il y aurait des fois des inconsciemment, des fois. Bon, il y a quelqu'un qui est zéro négatif, qui a jamais eu de. Il faut dire que j'ai une façon de m'alimenter qui est un petit peu agressante. J'ai toujours eu des. Bon, en tout cas, disons que je me nourris. J'aime les choses difficiles à digérer, malheureusement. Mais ça ne m'a jamais dompté. Ça m'a jamais. Les voisins bruyants régulièrement, ça vient-il de l'astral? Non, pas nécessairement. Il y a une différence entre mon astral et celui des autres. Peut-être que, bon, il faut dire qu'on ne choisit pas ses voisins, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai déjà tenté de m'identifier l'organisation cellulaire? Non, ce n'est pas le genre de choses qui me... Je pense que la lumière peut passer dans... Peu importe. Même, j'accorde pas beaucoup d'importance à des choses liées, par exemple, au groupe sanguin de quelqu'un ou à des choses comme ça ou à tout ce qui est physique, là. Je pense que ça peut frapper n'importe qui. Mais non, j'accorde pas beaucoup d'importance à même au niveau de la santé de quelqu'un. Je pense que la vibration du type de pensée que quelqu'un perçoit, son discernement au niveau des pensées ont plus d'influence sur le corps que sa façon de vivre ou que ce qu'il est à la base. Donc, la pensée non spatialisée, c'est intéressant ce que je dis. Peux-tu élaborer un peu? Oui, ben c'est que, étant donné qu'on est incarné dans un espace-temps, on reçoit des pensées qui vont prendre ces formes-là, des formes spatiales, et puis au sens, on nous a appris par exemple que il y a largeur, profondeur, hauteur. Mais si je prends un objet, un cube, puis que je le mets dans l'espace avec rien autour, aucun point de repère, la largeur, la profondeur, la hauteur, c'est la même chose. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de... C'est l'être humain qui est influencé par son environnement, puis il est toujours à vouloir se repérer. Puis il y a les formes que prennent sa pensée, la façon dont il donne forme à l'énergie vont être liées à ça. Donc, les cacahuètes sont dures à digérer. Oui, mais je n'en mange pas. Je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de ce qu'on appelle ici des peanuts. Il y avait quelque chose d'intéressant. Si j'avais, par rapport à mes brûlures d'estomac, la réorganisation cellulaire, je sais que ça a une fonction chez moi. Puis que si c'était pas comme ça que ça se passait, qu'est-ce que je pense de l'anorexie? Ça se traduirait par autre chose, en tout cas. Qu'est-ce que je pense de l'anorexie? L'anorexie est souvent liée à un trouble psycho-affectif. C'est comme l'obésité. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui veut plus, qui a perdu confiance dans le monde des adultes, souvent va cesser de s'alimenter ou va vouloir inconsciemment retarder l'évolution de son corps pour ne pas devenir un adulte. D'ailleurs, quand la pandémie, ça a commencé, puis il y a eu une épidémie d'anorexie chez des enfants. Mais le rapport au corps est toujours, quelque part psycho-affectif, surtout chez les gens jeunes. Le mental des cellules, ça dit quoi? Ben, je me souviens que j'avais le petit livre de Saprem, Le mental des cellules. J'en allais pas lu, je l'ai prêté à quelqu'un et il n'est jamais revenu. Mais le mental des cellules, je pense que c'est un peu comme je disais tout à l'heure, je pense pas qu'on a à spatialiser l'intelligence comme la science actuelle le fait. Donc, est-ce que les cellules ont leur intelligence? Je pense que oui. Est-ce qu'il existe des intelligences viscérales, c'est-à-dire que les viscères influenceraient l'intelligence ou auraient leur... Oui, pourquoi pas? Les pensées, elles viennent d'ailleurs. Ah, expliquer ça, c'est que la pensée, c'est un plan. La pensée est un plan subtil. Donc, elle est captée. Il est capté. Le cerveau n'est rien d'autre qu'un, ne serait rien d'autre qu'un organe de réception de la pensée, qui vient d'un plan subtil, qui est réorganisé par la matière et qui organiserait la matière aussi. Mais là, ça va loin un petit peu. Mais un jour, si possible, si jamais un jour je peux pouvoir discuter avec des gens en direct, je vous démontrerai que vos pensées viennent pas de vous. L'être humain s'identifie à ses pensées, il pense qu'elles viennent de lui, alors qu'au fond, c'est lui qui se promène dans l'information et capte l'information et lui donne forme. C'est un phénomène très, très subtil, très, très dérangeant aussi. Même les rêves sont astralisés, la nuit astrale nous met de nouveaux programmes. Moi, je les réfute au réveil. Oui, ben justement, dernièrement, j'ai fait un rêve ce matin, là. Ben, je rêve tous les matins, j'ai. Mais c'était de la merde. Il y a des livres qui disparaissent comme ça. Moi, peut-être que j'en avais pas besoin de Saprem, qui a passé à vivre un an tout nu dans la jungle. Ça lui a pris un an à vivre comme ça pour se rendre compte que ça n'avait pas de bon sens. Pauvre monsieur. Moi aussi, ben, c'était son affaire à lui, c'était son expérience à lui. J'ai pas eu à intégrer ça, je sais déjà que ça n'a pas de bon sens. Les heures synchronistes, genre, sont-ils à prendre au sérieux? Mais moi, j'accorde pas d'importance à ça. L'être humain, au niveau de la projection, puis de se donner des repères, va beaucoup donner de sens aux choses. Puis, ça fait partie un peu de. Le cerveau sort comme une antenne. Oui, je le vois comme ça. Il l'actualise. Il l'actualise. Ben, je peux plus prêter mes livres. Ils sont tous entreposés. C'est pas difficile. Quelle serait votre prochaine pensée? Ben là, je sais pas. Certains voient en Trump un sauveur et d'autres l'antéchrist. Qu'est-ce que j'en dis? Ben moi, je vois ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Tout est quantique dans la matière. Ben oui, peut-être pas. Même en dehors de la matière, le seul livre qu'on m'a rendu dans ma vie est celui de Freud. Ah ben ça revient tout le temps. C'est subtil en effet, les pensées. La glande pinéale a-t-elle activé un jour? Oui, ben ça, on peut le sentir. Puis c'est lié à la vue interne, beaucoup. Ceux qui ont des dons de seconde vue, là. Au moins, ça avait été Jung. Ouais, mais Jung est tellement spiritualisé. Il y a beaucoup d'astral, je trouve, chez Jung. Mais au moins, il est allé plus loin. Ben, dans des sentiers moins. Le cerveau est une radio. À chacun de choisir sa station émettrice préférée. Oui, mais des fois, on capte du parasitage. Et puis c'est difficile d'avoir les doigts comme il faut sur le bouton, puis vraiment d'avoir le contrôle sur ça. Sortir de la forme, chalut. Je vais rester encore 8 minutes à peu près, puis on mettra fin au live parce qu'il va falloir, j'ai même pas mangé encore aujourd'hui. Ah non, ma collection de livres de Carl Gustav Jung, je ne les prête pas. Oui, surtout au prix que les rééditions sont. J'ai connu quelqu'un qui avait le livre rouge de Jung, mais une édition énorme, une affaire qui doit valoir cher. Mais vous savez, Jung, ce que j'ai trouvé le plus intéressant de lui, c'est le livre qu'il a dicté à une dame, puis qui a été écrit, c'est Ma vie. Son livre Ma vie, où il parle de son expérience, puis de sa vie. C'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant de Jung. Si on peut dire, sa programmation, puis réfléchie par son propre ego. J'ai aussi, il a eu des expériences très intéressantes, notamment avec l'astral. Parce que l'inconscient et l'astral, c'est la même chose. C'est juste les noms qu'on donne à ça. Mais que c'est-tu des acouphènes? Ben, ça peut être des bruits parasites liés à un trouble nerveux. Mais des bruits parasites aux ondes qui a une récréation informationnelle nerveuse d'un bruit qui n'existait pas. Mais il y a des acouphènes qui sont liés à des phénomènes vibratoires. La genèse du réel n'est pas trouvable, oui, mais vous pouvez la faire imprimer. Pour choisir la bonne station de radio, il faut avoir une bonne antenne, oui, mais aussi savoir c'est quelles sont les bonnes stations. Comme quelqu'un qui, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a telle station de radio, puis il y a du savoir infini. Hein. Les 10 supramentaux portaient presque tous des lunettes. Oui, ben c'est possible. Est-ce qu'il y en a qui ne portent pas de lunettes? Mais Sandra Vimont, elle porte pas de lunettes. Est-ce qu'elle est supramentale? C'est une autre question. Mais il me semble qu'elle n'en porte pas. Ben, il me semble que non. Je n'ai jamais remarqué ça. Ben, c'est vrai, la plupart, ils portent des lunettes. Marc de la Salle, Sabourin. Ménard, il portait-tu des lunettes, il me semble. Moses, je me souviens pas de l'avoir vu avec des lunettes. Peut-être à un moment donné, quand il a atteint un certain âge, il en avait. Mais il me semble que non. Moi, je m'en souviens, il y a du monde dans le supramental qui portait pas de lunettes. En tout cas, Il me semble, non, il y en a plusieurs qui ne portent pas de lunettes. Il y en a eu. Il y en a pas mal, hein. Il y en a qui ne sont pas connus. J'en ai connu un, personnellement, qui ne porte pas de lunettes, mais il n'est pas connu du public. Oui, ben c'est lié à l'âme collective, hein, les archétypes de Jung. Lui avait compris ça, qu'il avait plus compris l'âme que Freud, à mes yeux. Oui, Marc Lassalle décidé trop vite. Oui, mais d'un autre côté, si on le voyait à partir des plans, peut-être quand même qu'il avait sorti, il avait choisi cette programmation-là avant de descendre dans la matière, on ne sait pas. Puis ça a l'air que c'est parce que c'est pas de nos affaires. Peut-être que les supramentaux, vous lisez beaucoup. Il y en a pas mal qui lisent pas pantoute. Il y en a qui s'intéressent pas, hein. Je pense pas que il y en a là-dedans, là. Je pense pas que Moses est un gros liseux. Puis, ça m'étonnerait, là. Ils lisent pas toutes. Même j'en ai connu qui auraient dû lire un petit peu. Ça leur aurait donné plus de vocabulaire quand vient le temps d'exercer la parole. Ça prend des formes quand même pour faire passer l'énergie dedans. L'énergie du grand monarque, qu'est-ce que j'en pense? Ben, moi, les histoires de grand monarque, je trouve la forme. Je sens pas de quoi qui vibre fort derrière ça. Ça a surtout des images fascinantes pour fasciner des. En tout cas, si on parle, l'autre, là, le comique qui joue de la flûte, là. C'est un humoriste, ça. Mais ça a du riff, là, en tout cas. En audio aussi. Moi, en audio, il y en a qui aiment moins l'audio, puis il y en a qui aiment mieux, ça dépend. Plus capable de quoi? Moi, ben, ça achève. Il reste 4 minutes. On est beaucoup de pas connus. Et on a mieux pas l'être d'ailleurs. Ben oui, ben, s'il y en a là-dedans qui sont en devenir, je veux dire, l'anonymat, c'est important aussi. Souvent, les intellectuels, ils ont des lunettes. Ben, possiblement, parce que l'intellect est une compensation. Genre, comment je pourrais dire ça? Celui qui court pas vite à l'école va être plus porté à performer à l'école, puis il va s'user la vue. C'est drôle, moi j'étais ni un ni l'autre. J'ai peut-être ni un intellectuel, un grand intellectuel, ni un grand sportif, comme j'étais entre les deux. Puis même, j'étais ni un sportif, ni une tête brûlée, ni. J'avais l'impression d'être un centre, puis d'avoir un asile qui tournait autour de moi. D'être. En tout cas. Mais non, possiblement que les intellectuels portent des lunettes. Oui, ben c'est sûr, parce que c'est lié à leur programmation d'une certaine façon. Et pour que l'exercice, l'intellect s'exerce, il faut qu'il y ait un besoin de compenser quelque part. Oui, perdre de plus en plus la mémoire, ça, c'est un phénomène très connu dans le milieu. Puis vous allez vous rendre compte que c'est les choses inutiles que vous oubliez, que vous perdez la mémoire, puis qu'il y a certaines affaires importantes que vous ne savez pas que c'est important. Ça, vous allez vous en rappeler quand c'est le temps. Puis il va y avoir un ajustement de la mémoire au niveau de quand c'est le bon moment. Yam Kiai, je ne sais pas ce que c'est. C'est drôle, on dirait du laotien. Yam Kiai. Bonne affaire, non, je ne sais pas ce que, de quoi vous faites allusion. Il nous reste 2 minutes. Il va falloir un jour que je me nourrisse. Merci de prendre du temps pour faire des livres, une bonne vibration. Ben, je n'ai pas vraiment fait de livres. Peut-être à un moment donné, je ne sais pas. La perte de mémoire sur certaines choses. Oui, ben, c'est surtout des choses liées au passé, là. Vous allez perdre de la mémoire. Puis, vous allez vous rendre compte qu'aussi, il va y avoir une perte de. Du psycho-affectif de lié à l'expérimental passé qui ne sert pas. Puis c'est comme moi, j'ai jamais réussi à me souvenir de mon numéro d'assurance sociale. J'arrive pas à m'en souvenir. Pourtant, je me souviens par cœur de tous mes comptes en banque, tous mes comptes de banque, les numéros, je les connais par cœur. Ah, le live, ok, j'avais mal lu. On perd de la mémoire émotionnelle, oui. Puis ça veut pas, vous n'allez pas devenir moins sensible pour autant. Puis vous allez ressentir beaucoup des fois les émotions des autres. Ou ressentir l'émotivité des autres, mais sans être émotif vous-même. C'est bizarre le phénomène. Mais c'est l'âme. Il y a quelque chose qui, par rapport à l'âme, qui change, mais c'est bien de monter en vibration. Surtout si vous écoutez beaucoup, Bernard. Bernard, des fois, il dit des conneries. Pourtant, la vibration est tellement haute que ça a un effet. Puis pourtant, je trouve ça niaiseux ce qu'il dit. Des fois, la vibration est haute tellement, je l'écoute plus. Je viens en maudit. Toujours, attends, ça va vite, là. Book toujours aussi sur le numéro de sécurité. Ben oui. Si je cherche les mots dans une présentation des blancs, je dois réviser mes notes, mais. Oui, ben, c'est peut-être lié à être centré pour la présence, mais pas donner d'importance trop. Ça prend de l'énergie. Tout à fait. Comme si on n'avait plus de cœur, mais sans. Oui, ben, le cœur est remplacé par quelque chose de beaucoup plus utile qui est un centre. La centricité. Ben, des fois, oui. La forme, des fois, c'est, je parle de la forme, là. Comme là, les delphinoïdes, puis les histoires de les yétis, puis les hommes en noir, que c'est des momies, puis voilà, maintenant, là. Donc, l'animal, pas le supplémentaire, pas sûr qu'on choisisse. Moi, je pensais pas m'impliquer là-dedans. Si j'avais choisi, je serais pas là, là. Donc, je vais mettre fin au live. Donc, merci à tout le monde. Puis, passez une bonne journée. Une bonne soirée.